Nous y voilà. À petits pas et à grands pas. Bonjour à tous. Chouette menu aujourd'hui et content de vous accueillir dans ce cargo culte qui va être consacré à une œuvre assez gigantesque. On va prendre le temps. On est ensemble pour 105 minutes, 1h15 exactement. Alors il faut bien ça pour camper l'album Moms de Carl Stone. C'est un disque qui paraît en 1992. C'est un disque long parce qu'on est déjà dans le standard finalement CD, donc un CD c'est largement plus de 70 minutes et ce disque les couvre largement, il en fait un petit peu plus de 70 et la chose devenait fréquente à l'époque, et alors spécialement dans le champ des musiques électroniques et plus encore dans le champ des musiques de Carl Stone, parce que ces titres, vous l'entendrez, peuvent allègrement dépasser les 10-15 minutes, parfois 20. Alors qui est Carl Stone? Je titrerais Carl Stone le secret le mieux gardé de la musique électronique. Et c'est pas faux, loin de là. Quand bien même il a une reconnaissance maintenant établie, mais alors qu'il s'est fait vraiment sur la longueur, il y a une très très très large longueur, et qu'il est consacré finalement comme par exemple le King of Sampling, le roi du sample par le Village Voice, par exemple. Donc Carl Stone est un personnage à la fois de l'ombre, et en même temps, il fait hautement autorité, il est une espèce de gourou de la musique électronique, certes, mais alors le mot est tellement large qu'il va falloir un petit peu détailler, mais spécialement de la live computer music. Et cela bien avant même que les termes de MAO, donc musique assistée par ordinateur, soient dans l'air, et puis dûment industrialisée hein, par toute l'industrie musicale, par les fabricants d'hardware tout comme de software. Alors, qui est Carl Stone? Et alors surtout, pourquoi il n'est pas connu autant qu'il devrait l'être? Même si en fait il l'est, et surtout il le devient. Mais comme je vous le disais, ça fait moins de 10 ans que Carl Stone fait la une de magazines spécialisés comme Wire, par exemple, The Wire. Là où Carl débute en 1970 et va commencer à produire des disques en fait en 1980. Celui dont on parle aujourd'hui date de 1992, c'est un disque très important, il est assez charnière. Il peut être vaguement présenté comme une compilation parce qu'il a les titres, les compositions de ce disque sont respectivement enregistrées de 1986 à 1991, mais l'essentiel est fait en 90 en fait. Je reviendrai là-dessus plus en détail très vite. Il faut voir que Carl Stone, c'est pas un jeune loup de la musique électronique excité derrière des TR-808 ou autre. Il est là bien avant et c'est un académique. Donc c'est quelqu'un qui est dûment instruit et qui est finalement dans le camp de cette musique savante américaine. Dans l'après-guerre, effectivement, elle a fait ses armes. Hein. John Cage est passé par là, ça a ouvert les portes à pas mal d'expressions, on ne va pas tous les énumérer ici. Et quelqu'un comme Carl Stone arrive finalement dans un territoire où les choses sont en train de se faire. Il est étudiant encore en 1970, pas encore strictement un académique, mais il est étudiant en 1970 au CalArts. Alors le CalArts, c'est la petite contraction du California Institute of the Arts. Alors, ça dit bien ce que ça dit. C'est situé bien sûr en Californie. Carl Stone est originaire de San Francisco. Et au CalArts, le bien nommé, il va étudier la musique et spécialement donc la musique électronique, notamment avec deux mentors et deux profs qui sont d'une importance colossale dans la musique électronique américaine, dans sa proto-histoire finalement. C'est d'une part Morton Subotnick et d'autre part James Tenney. Deux personnages très différents d'ailleurs. Morton Subotnick, on doit le fameux Silver Apples of the Moon. C'est une création, une composition qui est créditée comme étant la première pièce 100% synthétique enregistrée sur disque. Alors que bien même la musique des synthèses est là, hein, déjà depuis forcément beaucoup d'années. Mais c'est la première fois qu'elle est enregistrée telle qu'elle, comme ça, sur un disque. Et elle va faire date, évidemment. Morton Subotnick, c'est aussi quelqu'un qui va être le principal développeur d'un instrument très important, d'un synthé de légende, c'est le Buchla. Et le Buchla, ça va être le premier outil de Carl Stone. Quant à James Tynes, j'y viendrai par d'autres voies pour définir un petit peu là aussi une influence absolument déterminante sur Carl Stone. Parce que finalement, si Carl Stone est loin de côtoyer officiellement la musique populaire, et comme d'ailleurs tous les chants de la musique strictement électronique de ce moment-là, ce sont tous des chercheurs un peu doudingues qui sont à la fois dans la science, qui sont à la fois dans la musique et qui sont des premiers prix de conservatoire. Tous ces gens sont très doués et pas toujours en phase, on le sait bien, avec une expression populaire. Quand bien même ça, c'est un statut plutôt européen qu'américain. Parce que les Américains ont toujours eu comme ça du nez sur ce qui était dans l'air d'une forme de pop culture. Et chez Carl Stone, ça va être le cas d'une des manières les plus affûtées qui soit. Carl Stone, très clairement, va se nourrir de musique pop. Alors, ça, la musique pop, elle va de Schubert à Barbie Girl, si vous voulez. Vous pouvez voir que l'éventail est quand même très, très, très large. Et son intérêt dans la musique pop, c'est plutôt la transformation miroir qu'il va en faire. Et ce, par le biais de samples. Mais alors attention, c'est pas, a priori, on n'est pas du tout dans le sample qui va émerger au début des années 80. Alors émerger comment ? Évidemment, via la culture hip-hop, hein, du breakbeat au sample et au sampleur, il n'y a qu'un pas qui sur une dizaine d'années va officialiser complètement finalement les expressions de musique samplée et devenir celle qu'on connaît. On va passer de l'outil au paradigme, si vous voulez. Et chez Carl Stone, l'outil est tout de suite un instrument. Vous allez entendre comme une approche savante finalement de la musique, mais surtout de la technique, va croiser quelque chose d'artistique chez lui. Et c'est ça que je trouve relativement remarquable. Moms arrive à point nommé en 1992 après que Carl Stone donc ait fait ses études au Carl Arts. Alors, c'est dans les années 70, alors je suis un peu long, mais il se trouve qu'au cœur des années 70, Carl Stone a le plus beau job qu'on puisse imaginer. Ce quotidien au Carl Arts, il y travaille aussi. Il est en fin d'études et du coup, il y travaille, ça paye un petit peu de ses recherches. Et son job, ça consiste à faire des backups de disques rares, hein, pour la plupart liés à l'électroacoustique et à des expressions comme ça, savantes ou d'art performance, qui sont couchées sur vinyle. On est très conscient de la fragilité du support vinyle, donc qu'est-ce qu'on fait ? Avant que la numérisation existe, on couche ça sur bande, et même spécialement sur cassette. Et ça, Carl Stone, il a fait ça pendant des heures et des heures et des heures, comme job, entre guillemets, alimentaire, pour financer la suite de ses études. Mais attendez, c'est le meilleur job du monde. Pour une raison évidente, vous allez écouter et backuper des musiques formidables, dont beaucoup sont très rares. Et la deuxième raison, et là, ça c'est Carl qui va la faire sienne, c'est qu'en fait, avec un dispositif de mixage et de routage sur la table de mixage, grâce à laquelle, évidemment, il allait dûment et le plus proprement possible enregistrer et backuper ses enregistrements rares, et historique de la musique électroacoustique, mais en même temps, il le routait ailleurs pour commencer à bidouiller et à jouer du cut-up sur les morceaux qu'il était en train d'enregistrer. Donc, il était sûr qu'il y avait de toute façon un double canal stéréo qui allait faire en sorte que tout se passe très bien. Et il lui restait deux canaux ou plus pour faire mumuse avec les sons qu'il était en train d'écouter et d'enregistrer. Alors, Mumuse, oui, pardon, parlons de l'allégorie. Parce que, de fait, Carl Stone va être un manipulateur de son. Il va toucher ça comme le sculpteur touche la glaise. Et il va très tôt se doter des instruments qui vont lui permettre de faire ça. Le Buchla, il va l'adapter un petit peu à ce jeu-là. Mais il y a un autre outil absolument mythique, rare aujourd'hui, parce qu'extrêmement fragile, et en fait on en trouve très peu, qui marche intégralement. C'est une machine qui était un delay digital, stéréo, mais qui avait finalement une fonction de sampler et de pitch à la fois, puisqu'il y avait en fait une mémoire intégrée, sur une machine française, qui est le DHM-89. DHM-89 fabriqué et commercialisé pour la première fois en 1979 par la société Publisson. Publisson n'existe plus. Publisson a eu un ingénieur du son absolument incroyable pendant probablement peu de temps et a fait coup sur coup deux machines sublimissimes, le fameux DHM-89 et alors plus tard la Infernal Machine. Bon, l'un et l'autre, surtout la deuxième d'ailleurs, étaient des machines coûteuses, enfin très très coûteuses même. Ils ont équipé, c'était marrant, il y avait par exemple les studios de la Motown qui étaient équipés par la Infernal Machine. Et voilà, bon, c'est mieux que Prince en avait une. Pour le peu, là, on était sortis d'un champ de musique de recherche. Alors, je reviens à ce que j'exprimais par le fait que Charleston ne soit pas connu, en tout cas pas assez connu, surtout quand il commence à enregistrer et faire la leçon dès les années 80. Parce que donc, j'évoquais les instruments qui vont là, mais très vite, il va s'équiper d'informatique musicale, cette MAO qui n'a pas encore de nom, mais pour laquelle, par exemple, les premiers ordinateurs Macintosh vont être extrêmement importants. Notamment le programme Jam Factory et M. Ces deux programmes-là qui sont probablement qui naissent à la fin, c'est à l'hiver 86-87, voilà, sont les premiers programmes de musique générative et avec laquelle on peut manipuler. Alors non seulement il y a une manipulation possible avec l'Apple Macintosh de l'époque, hein, alors c'est le modèle de 86-87, vous voyez, on est dans ces Apple Macintosh qui ressemblent à des gros dés, quoi, si vous voulez. Mais on est dans un rapport où le Macintosh va plutôt être un contrôleur d'effets extérieurs, et en l'occurrence d'instruments, qu'un strict générateur de son. Et là-dessus, Charleston va, à satiété, innover et tirer des sons et des traitements fantastiques de sons qui sont pour la plupart préalablement enregistrés. D'où un lien évident avec la musique concrète, et vous allez l'entendre en rapport avec la boucle. Comme la jeunesse de la musique concrète, finalement, l'exige. Mais ici, la boucle, elle s'étire, elle se cross-fade avec d'autres éléments et avec un jeu à la fois de reverb, de pitch, de délai. Ça a commencé comme ça à s'exercer en volute absolument impressionnante. Et vous allez voir, cette signature de Charleston, finalement, elle est complètement inouïe pour l'époque, mais même encore aujourd'hui, elle se reconnaît, quoi. Et Charleston, du coup, va très vite devenir un académique. Ça va être un enseignant, il l'est toujours d'ailleurs, qui partage son temps entre les USA, San Francisco, d'où il est originaire, et le Japon, où finalement il vit la plupart du temps et où il enseigne. Il enseigne spécialement Max, et puis Max MSP aujourd'hui, dont il est devenu un des premiers adopteurs. Hein, et c'est un logiciel qui est développé... par Miller Pouquet, cette histoire elle est un peu connue finalement, mais à partir de 85 hein, seulement, et finalement qui va devenir un standard dans les années 90. Donc Carl, lui, il y est dès le début. Hein. D'où un petit peu cet aspect académique sur lequel j'insiste. Mais alors, dans le sens anglais, vous savez, quand on parle d'académisme en France, c'est un tout petit peu péjoratif. Et peut-être parce que les académiques en France ont fait en sorte de s'isoler d'une culture mainstream. Je reviens sur un académisme avec antenne et futé comme celui dans lequel peuvent s'exercer des compositeurs américains, et là aujourd'hui Charleston, il est effectivement totalement pointé sur les musiques populaires. Alors parlons-en, parce que justement c'est ce qu'on va découvrir dans Moms, ce fameux album. Car il y a deux démarches vont se croiser au même moment. C'est celle d'un piratage très instruit et conscient, ce que John Oswald va développer sous le nom de Plandophonics. Et là, pour le peu, on est quand même dans une forme de contre-culture. Et ce que va développer Charleston avec une électronique de pointe et ses balbutiements de l'ordinateur. Et tout ça au moment où, alors là, dans le camp complètement opposé, c'est-à-dire dans les... Dans le South Bronx, à New York, Grandmaster Flash commence à quitter les block parties pour pouvoir manipuler Scratch et coucher ça sur disque. Donc là aussi, au début des années 80, où le hip-hop va strictement apparaître et sortir en tout cas de son premier ghetto. Tout ça se passe en même temps et dans des mondes qui se côtoient pas, en fait, et qui s'ignorent à ce moment-là. Ils s'ignoreront plutôt assez longtemps. L'album Moms... qui est qualifiée volontiers d'ambiante, parce que des fois, bah, faut bien étiqueter comme ça un disque, effectivement, étire comme ça des grandes citations. C'est une computer music totale, hein. Dans le sens où, comme le dit Carl Stone, il considère le computer ou l'outil comme un instrument. Il ne s'agit pas d'être un outil, et il en joue très bien. L'électronique musique qui se dégage de chez Carl Stone est très belle, très sensuelle. Elle va sur l'album Moms de 1992, qu'on campe aujourd'hui, d'une très belle quiétude à une décomposition drone très crépusculaire, et spécialement la dernière. La dernière, tiens, j'en parle, par exemple. C'est une pièce de 1990 qui avait servi d'ailleurs un ballet du chorégraphe Katsuko Horita, pour lequel Carl Stone utilise l'enregistrement d'un enregistrement à la limite vieux, un enregistrement de 1982 de Helen Fullman. Helen Fullman est cette performeuse et musicienne absolument incroyable qui joue du long string instrument, donc littéralement instrument à cordes long. Et long, ça veut dire très long, c'est-à-dire au niveau d'une piscine olympique, si vous voulez. Et pas rare que cet instrument fasse 50 mètres de long. Pour ce faire, Helen Fullman en fait tisse des cordes sur une énorme longueur, elle en fait beaucoup, et elle est elle-même un larcher instrument qui va marcher entre ces cordes tendues finalement sur une immense longueur, les doigts gantés, en tout cas les mains gantées avec les doigts colophanés afin de toucher et extraire de ces cordes comme ça des sonorités à proprement inouïes. Comme la plupart du temps, c'est un instrument qui est accordé en tonalité juste. Ça lui prend des jours et des jours et des jours d'installer l'instrument. Il s'en dégage comme ça des choses assez étonnantes. Et en 1982, Carl Stone et Helen Fullman avaient eu l'occasion d'être ensemble et collaborer sur une scène. Et il a recueilli finalement de ce moment les quelques motifs qui vont se mettre en branle comme ça. Et c'est quelque chose qu'on va entendre à peu près tout le temps. Un leader de Schubert aussi, par exemple, va être à la une d'un morceau tout à fait étonnant. Et là, c'est le premier qui a été enregistré dans toute cette saga de morceaux qui vont donc de 1986 à 1991. Shinki, 1986, effectivement, à la façon un petit peu de Steve Reich quand il avait manipulé ses bandes, si vous voulez, mais seulement à la façon, va fournir un travail de boucle augmentée. Et tout ça à partir d'un leader, hein, de Der Liedenbaum, je prononce très mal, mais c'est le tilleul, en fait, de Schubert. Et là, d'ailleurs, le leader est extrait de sa version anglaise, hein, donc... Le tilleul en anglais, il faudra savoir comment ça s'appelle. Mais c'est ça. Alors, rassurez-vous, vous ne reconnaîtrez même pas la langue, puisqu'il s'agit quand même d'un étirement, d'un stretch et d'une polyphonie exercée à partir finalement d'un son strictement monophonique au départ. C'est tout à fait étonnant. Je vais revenir là-dessus finalement bien plus tard. Là, je suis en train quand même d'exciter votre oreille sans vous donner du son. Et je pense que voilà, il faut donner à entendre immédiatement. La plupart des titres ici sont justement, il faut intervenir ces premiers Mac qui servaient à tourner les programmes comme M ou Jam Factory finalement. Et ça n'existait que pour Macintosh d'ailleurs à cette époque-là. C'était le Mac SE30. Là, le gros dé, si vous voulez. Et tout ça, derrière des samplers comme le Prophète, par exemple, Prophète 2002, et autres synthés. Voilà. J'essaie de ne pas être trop geek là-dessus, mais évidemment, Carl est un immense capitaine geek, si je voudrais dire. Mais il est aussi dans ce piratage, savant, conscient, extrêmement affûté. On ne parle même pas de piratage à l'époque, parce que de toute façon, il n'y a pas de public pour ça. Il n'y a pas de... Voilà. Mais voilà. Voilà comment le sampler peut être non pas une technique, mais une forme de virtuosité absolument incroyable et exercée la plupart du temps par Carl, et c'est le cas dans les disques qu'on entend là, et ce sera toujours le cas par la suite, en temps réel. Donc ça, c'est assez fascinant, c'est parce que la notion d'informatique et de computer en temps réel, elle est très très récente, si vous voulez. Et elle doit probablement à la jonction de contrôleurs et de machines comme ça qui vont donner une forme de visibilité sur scène et puis favoriser l'aspect un peu performance de quelque chose. Ce que j'admire, c'est Charles Stone, c'est que sur scène, il n'a pas de contrôleur. Il est les mains sur l'ordinateur. Alors effectivement, certains diront, tiens, il y s'est mêlé. On a entendu ça 10 fois, hein, quand quelqu'un est en laptop configuration comme ça. Ben non, il est sur son patch Max MSP, hein, qui tisse et retisse des liens comme ça à satiété. C'est le principe de fonctionnement de l'outil, comme ça, d'associer des instruments comme virtuels et des boîtes à outils avec des liens, des sous-liens, etc. etc. Donc il n'y a pas du tout de honte à exercer de la stricte computer music et finalement dans sa vraie radicalité technique. Parce que de toute façon, le computer n'est pas un outil strictement, il est un instrument. Voilà, et je vous laisse donc avec cet instrument-outil immédiatement, avec Carl Stone. Longue série, on va écouter ces 70 minutes en entier. Voilà, comme un soleil qui se lève, et on le récupérera après dans ce titre assez crépusculaire, mais ô combien beau, finalement, où intervient Alan Fullman et son fameux long string instrument. Bonne écoute et on se retrouve dans 70 minutes. Thank you. Thank you. Thank you. intéressante. J'ose à peine élever la voix, voyez-vous. Voilà, et c'est sur cette descente à la fois superbe, lumineuse et crépusculaire du morceau conclusif. Donc il faut surtout le nom parce qu'ils sont difficiles à retenir les noms de Carl. Je vais expliquer pourquoi d'ailleurs assez vite. Chao Nu, qui est en fait le nom d'un restaurant. Et c'est une constance permanente dans les titres de Carl Stone, et ça depuis en fait cet album. Que chaque morceau, et c'est toujours ça aujourd'hui, donc, soit intitulé par le nom d'un restaurant, et le plus souvent le nom d'un restaurant dans lequel il a mangé. Ce qui fait que tout ce qu'on a entendu là, Moms, qui donne son titre à l'album, Bantea Srei, Gadberries, Shinki, et enfin Chao Nu, ce morceau donc, qui retravaillait, je le disais en préambule, mais rappelons-le, le Long String Instrument d'Alan Fullman. C'est en fait adapté, enfin ça tient son patronyme d'un nom de restaurant. Voilà, c'est quand même sublime et cocasse. Puis ça ajoute finalement une note très très humoristique à une musique qui, comme ça, pour les non-initiés, pourrait paraître un tout petit peu sentencieuse, académique. Enfin, on connaît le discours. Et en fait, Carl est quelqu'un de rempli d'humour. Sa carrière d'ailleurs n'aura de cesse de confirmer ça par la suite. Les disques de Carl Stone, Moms, aujourd'hui, est devenu un disque, bah, il faut le dire, assez rare et donc recherché. Mais par chance, et enfin c'est arrivé, il y a eu deux anthologies qui sont sorties de Carl Stone, et bon, qui résument donc, les années 70-80, puis les années 90, en deux triples vinyles, qui sont sortis à peu près à un an d'intervalle. Hein, le dernier, probablement l'année dernière, il y a 12 ou 18 mois, et puis juste un an avant, celui qui couvrait les années 70 à 80, et donc qu'on illustra ici avec l'écoute in extenso donc, de l'album Moms. Et ça, vous pouvez les trouver facilement, donc allez-y, je vous le recommande. Je suis très content d'avoir cette discussion très très geek, un petit peu online, où on parlait un petit peu des outils hein, de Carl Stone. Je l'ai mentionné, hein, le Max SE30, hein, ce gros Mac des années 85, fait ça en 86 en fait, va piloter les instruments de Carl Stone. Donc. Mais on parlait beaucoup du DHM-89, et Carl Stone m'a confié que la perte de cet instrument a été très difficile pour lui, parce qu'effectivement il l'a perdu, il a été volé. Et un instrument, en tout cas un traitement numérique qui sort en 1979, ce fameux DHM-89 de Publisson, et pour lequel Carl Stone a signé des choses sublimes, absolument sublimes, était un outil, ça coûtait le prix d'une voiture, quoi. Donc quand on vous le volait, il vous restait à peu près plus que les yeux pour pleurer. Et puis ma foi, Carl Stone était quand même on the edge de la nouvelle technologie, et est passé très très rapidement à l'ordinateur. Il a été un des premiers zélateurs aussi de Max MSP, etc. Enfin, je refais pas l'histoire. Mais quand bien même Carl Stone s'inscrit comme une pierre majeure hein, de l'édifice comme ça de l'informatique musicale, et spécialement donc le travail en temps réel et cette forme de remix en temps réel que faisait Carl Stone, elle est déjà dans l'histoire de quelque chose, quoi. L'informatique musicale, ça commence dès 1957. Hein. Je pense à Ledger Hanniler, sa fameuse Iliac Suite. Voilà, là, on est dans c'est ce premier gros machin, quoi. Et les logiciels que je nommais tout à l'heure, comme M and the Jam Factory, qui sont spécialement développés pour les computers Apple, eux apparaissent dans l'hiver 86-87, quoi. Donc Emax, MSP au milieu. Je vous recommande d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, d'aller piocher un petit peu dans un très chouette texte qu'avait fait paraître Lori Spiegel en 1987. Lori Spiegel, c'est une compositrice hein, extrêmement à l'aise avec la musique de synthèse. Elle a aussi été importante dans le schéma. On en parlera probablement un jour dans un cargo culte. Et son texte, A Short History of Intelligent Music, une petite histoire de la musique, des instruments intelligents, des instruments interactifs, etc. Short History of Intelligent Music de Lori Spiegel en 87. Rentrez ça dans Google et tout ça marchera très bien. J'ai réservé pour la fin une influence absolument majeure de Carl Stone. Hein, j'ai mentionné Morton Subotnick, mais à égale partie et peut-être plus encore, James Tenney est quelqu'un qui a été extrêmement important pour lui. était un de ses profs, donc au CalArts, lorsque Carl Stone y était étudiant, au tout début des années 70. Et on doit à James Tenner, c'est un compositeur important, mais c'est peut-être plus encore un théoricien. Et on lui doit un acte absolument fondateur, crucial, ô combien iconoclaste, qui a probablement, dont l'issue a même, j'imagine, totalement échappé même à son auteur. Puisqu'il s'agit en fait de ce tout premier acte de cut-up de Plunderphonics, comme il se l'est dit après, c'est-à-dire littéralement de pillage phonographique, appelons ça un piratage, mais de manière extrêmement créative. Et maintenant, je vais vous faire entendre effectivement un vol, un pillage phonographique littéral qui a été fait par James Tenney. Ça s'appelle College No. 1. Il a un sous-titre, mais que je ne vous donnerai pas parce que je tiens à vous laisser deviner très très lentement l'œuvre qui a été volée, entre guillemets, mais piratée le plus sûrement, de façon hyper créative, par James Tenney sur cette affaire-là. Et vous allez voir, on est en 1961. Retenez bien cette date, presque aucun de nous n'est né. 1961, James Tenney et son fameux collage number one. Voilà, on va se livrer au jeu de celui qui finalement trouve le premier. Parce qu'évidemment, à un moment, on va voir qui émerge comme ça de ce traitement, alors qu'il, lui, n'est fait qu'effectivement sur de la bande. Et lien effectivement avec cette informatique musicale, quoi, qui ne porte pas encore le nom d'informatique musicale, mais avec l'ordinateur, c'est fait dans les studios de travail de Ledger Einhiller, donc je le nommais pour son Iliac Suit, et qui lui est, on peut le dire, le père finalement de la computer music. Donc en 1961, James Tenney était assez jeune, en fait, hein, c'était un étudiant, enfin moins de 30 ans, un petit peu chapeauté par le maître, mais le voilà dans son premier exercice, ô combien iconoclaste, je le répète. Donc maintenant, tout ça vaut buzzer, et le premier qui trouve, eh ben, il gagne une bise. Bonne écoute de cette pièce mystérieuse sur Cargo Cult, dans cette bonus track consacrée à Carl Stone. Fascinant, hein, fascinant. C'est l'acte 1 d'un truc, quoi. Et ce truc n'a pas fini. C'est ça qui est délicieux, ce truc est loin d'être fini. James Tenney, donc, son collage number one, aka Blue Suede Shoes. Et bien sûr, le Blue Suede Shoes dans sa version par Elvis, qui était campé là. Voilà, bah, je suis très heureux d'avoir partagé cette page avec vous autour de Karl Stone, mais aussi d'une esthétique qui n'a pas encore de nom et qui allait finalement sacraliser le piratage. Et ce qui est formidable, c'est que Karl Stone continue finalement un petit peu sur cette lancée. Karl Stone commence en 1970, il est toujours extrêmement actif, j'ai envie de dire extrêmement véloce, il se produit de plus en plus. Alors non, là, maintenant avec la crise sanitaire, il se déplace moins, mais c'est quelqu'un qu'on a pu voir quand même se balader pas mal. Et qui produit tout autant. On a quelques minutes, on va en profiter pour sortir donc justement avec le tout nouvel album de Karl Stone. Alors ça va être un morceau, ça tombe bien parce que là c'est plusieurs morceaux courts qui composent un album qui est en fait à apparaître officiellement en février 2021. Mais l'album s'appelle Stolen Cars, mais vous pouvez le trouver quand même en preview et en pré-écoute sur Bandcamp. Donc voilà, allez-y, c'est tout chaud. Et justement, on va prendre les 5 petites minutes qui nous restent, 4 à vrai dire, pour écouter un morceau qui, vous allez voir, détonne absolument du style plus ou moins ambiante et éthérée qu'on a entendu avec l'album Moms. Croyez-moi, là, on est plutôt à une chassée-croisée assez incroyable de breakbeat, jungliste, totalement éclaté, un petit peu, on est très très proche d'Aphex Twin, finalement, quelque part. Et vous allez voir, ça vaut son pesant de son. C'est notre morceau conclusif de la semaine. Je serai très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Et je vous le dis tout de suite, on parlera encore sample, justement. Alors, pour le peu, dans le vrai sample hip-hop, avec le sublime album de Jay Dilla, Donuts, son dernier album, son disque instrumental, paru en 2006. Bonne écoute, on s'évade avec le tout nouveau Karl Stone, petite exclusivité dont je vous conseille de profiter dès maintenant. Merci d'avoir été avec nous et très bonne semaine à tous. Thank you. We'll be right back.